l'être humain, à l'individu, celui qui est capable de savoir ce qu'il vaut à partir de lui, et non pas à partir de l'extérieur. Celui donc, c'est être l'être humain qui n'est pas en compétition, qui n'a pas besoin de l'extérieur pour savoir qu'il est quelque chose, celui qui est lui-même. Il y a deux formes d'évolution. L'évolution de l'animal humain, celui qui évolue manipulé par des forces collectivisantes, ce qu'on appelle les forces de Satan, ce qu'on a parlé énormément ce soir. Et il y a une manipulation par l'intelligence. Pour l'instant, l'être humain arrivera à un libre arbitre lorsqu'il aura atteint des phénomènes, disons, des plans de conscience un peu plus élevés que ce qu'il vit présentement, que ce qu'il exprime présentement. L'être humain qui est manipulé par l'intelligence réussit tout. Alors, l'exemple que je donne dans le séminaire le plus souvent, c'est que si, par exemple, le feu prend dans la salle ici, les êtres humains manipulés par le collectivisme voudront tous sortir par la même porte ou par le même mur. Et ils s'écrasent et souvent ils paniquent et ils meurent. Celui qui est intelligent va nécessairement voir la solution. Voyant la solution, parce qu'il est intelligent, il n'a pas le choix. Alors, il est manipulé, il sort par la porte. Alors, celui qui est intelligent voit la solution intelligente, il est pogné. Il n'a pas le choix de l'appliquer, il est intelligent, il applique la solution intelligente. Il n'y a pas d'être humain qui se dit, tiens, il y a une planche avec un clou, je mets le pied à côté au-dessus. La solution intelligente, c'est à côté, mais vu que je ne peux manipuler, t'as une place dessus. Il n'y en a pas. L'humain qui est intelligent, qui voit la solution intelligente, n'a pas le choix, il l'applique. Alors, on reste manipulé, mais il y a deux formes de manipulation, et celle dont j'ai parlé ce soir, c'est la manipulation collective. Le Québécois est une race à part, différente, et le Québécois a cette faculté de comprendre. Tous ceux qui vivent ce bouclier canadien de toute façon long, et la grande partie nord planétaire peut le développer, le Québécois, disons donc, le Québécois, je ne parle pas de celui qui est venu au monde ici, c'est un Québécois, disons, vibratoire, hein, c'est K-E-B-E-K. L'individu, donc, a la possibilité de devenir individuel, donc de devenir un jour son seul maître. Être son seul maître ne veut pas dire qu'on se fout de tout le monde. Être son seul maître, ça veut dire que ce qui va se passer chez nous, dans nos vies, c'est nous qui allons le déterminer. Mais nécessairement, quand il pleut, je me fais mouiller, ça va. Je suis mon seul maître, ça ne me dérange pas. C'est là la nuance. Est-ce que la curiosité intellectuelle est une vraie volonté? Tout est de la volonté. La volonté, c'est quand on exprime ce qu'on exprime. Est-ce que la curiosité intellectuelle est de l'intentionnalité? Avez-vous le choix d'être curieux ou pas? Non. C'est encore un caractère de manipulation. Par contre, la curiosité peut être quelque chose de bien, elle peut être quelque chose de mauvais. Parce que dépendant encore une fois de qu'est-ce qui manipule cette curiosité intellectuelle. Il y a des personnes qui lisent, qui engouffrent, mais ne vivent pas. Alors, et la curiosité intellectuelle devient un phénomène qui est dangereux. Il y a d'autres personnes qui ne s'instruisent de rien, mais qui en même temps n'ont pas la faculté suffisamment mentale pour arriver à entrer en contact avec l'énergie supramentale, l'intelligence active, l'intelligence instantanée. L'intelligence qu'on a parlé tout à l'heure. L'être humain a de l'émotion. L'émotion, on a vu que ça engendrait une nourriture d'une partie du monde de la mort et on se faisait manipuler pour nourrir ces choses. Mais l'émotion, elle permet la création de l'âme chez l'homme. L'âme englobe de la mémoire. Dans la mémoire, il y a suffisamment de répétitions que ça va engendrer des agglomérats qui vont finir par se souder et qui vont engendrer l'ego. Chaque fois qu'une expérience rentre dans l'âme, elle perturbe déjà ce qui est dedans. Ça crée une expérience intra-âmique. L'émotion. Étant donné que maintenant il y a l'émotion ça colle aux mémoires événementielles, les mémoires des événements, et notre ego et notre âme, qui est constitué d'agglomérats, pour ne pas mourir, pour ne pas s'oublier, va vouloir revivre des choses qui vont restimuler ce qu'elle a déjà, les expériences qui l'habitent déjà au niveau mémoriel. Et cela engendre le désir. Le désir permet à l'ego, à l'âme, d'animer un corps matériel, un corps qui, sans l'âme, serait écrasé à terre et ne ferait rien. L'animant, il l'amène à des. Il donne des désirs, il veut revivre des choses, il veut avoir ceci, avoir cela. Et il vit dans un monde où il est continuellement confiné à être désillusionné. Ça ne marche pas, il souffre. Souffrant, lentement, l'âme prend ses mémoires et elle essaie de les amener à un point où l'émotion n'aura pas sa réflexion. Parce que la réflexion émotive crée trop de problèmes. Ça crée le stress, ça crée ceci, ça crée cela. Lorsque l'ego arrive à amener sa mémoire expérientielle à un niveau plus haut, où l'émotion ne peut pas suivre, ça engendre l'intellect. L'intellect, à la longue, à force de travailler, devient du mental. Ça devient trop intelligent, disons, trop intellectuant, trop logique, que ça ne peut plus écouter l'ego. Alors, l'ego va dire, bon, ben là, j'ai peur, tu vas aller chercher ta hache. Puis le mental, il dit, la hache, non, on ne va pas la chercher. On n'en bâtit pas, on ne la crée pas. Alors, l'ego devient insécure, le mental commence à entrer en guerre contre, et bien souvent, il y a deux voix qui apparaissent dans la tête de l'individu. La voix qui dit, fais pas ceci, puis la voix qui dit, ben oui, donc pareil. Puis là, il y a une lutte. Lentement, le mental finit par se rebeller, il se révolte contre l'âme, et le mental, devenant plus énergisé, arrive à entrer en contact avec l'intelligence instantanée, le phénomène supramental. Et lorsque le supramental commence à toucher au plan mental, ça crée un ajusteur de pensée qui vient ajuster maintenant ce qui manipule l'homme, de façon à manipuler l'homme pour que l'homme arrive à en prendre conscience et à se libérer. La façon dont cela arrive, normalement, ça engendre chez l'homme l'écœurement d'être écœuré. Alors, il faut que l'humain arrive à un point dramatiquement bas. Lorsque cela se fait, l'intelligence supramentale descend et elle fait voir à l'homme les choses telles qu'elles sont. Cela entre en lutte, en confrontation contre les mémoires qui, elles, veulent voir les choses comme elles veulent les voir. L'ego commence à manger la claque, ça brise des formes, c'est quelque peu souffrant et c'est la phase d'anégoïsation. Lentement, l'ego va être dissous, l'âme va être légèrement, dégonflée et lentement, c'est l'esprit, l'intelligence supramentale qui prend la place de l'âme dans un corps physique. Alors, on a l'animal humain, l'être humain, l'humain, l'homme, la femme ou l'enfant, qui n'a pas de plan mental, donc qui n'a pas d'intellect, qui a de l'âme, qui a de l'émotion. Une personne qui vit dans un corps physique qui n'est pas tellement évolué, ça peut être dans une tribu perdue au fin fond de cette planète. Et cette personne-là, si on retire son âme, elle devient un zombie, un mort vivant. Il y a le corps physique, il y a le corps vital, la vie, il n'y a plus rien pour l'animer, c'est un zombie. Alors, là, le sorcier, la personne qui la contrôle, elle peut lui donner des ordres, l'autre va l'accomplir. Dans le cas de l'homme nouveau, dans le cas de la personne transitive, dans le cas de la majorité des personnes du Québec, ce qu'ils vont vivre, à un moment donné, ce sera une dissolution de l'âme remplacée par de l'esprit. Alors, il y aura quelque chose d'autre qui va animer le corps, l'intelligence, c'est-à-dire le petit peu de vous qui savez ce qu'il faut faire, va prendre la place de tout ce qui, chez vous, vous fait faire tout le reste au complet. Alors là, ce ne serait pas un zombie. Il y aura un corps physique, un corps vital, un âme vide, donc un âme pure, et un contact espiritisé. Un Nazaréen qui a rencontré Satan au désert s'est rencontré lui-même dans le livre « Les grands initiés ». Pourquoi est-ce la chose la plus horrible qu'il a vécue de se rencontrer? Il ne s'est pas rencontré lui tel quel. Il a rencontré son double antihomme. Le double antihomme, c'est justement ce qui, chez vous, vous fait faire tout ce que vous ne voulez pas faire du point de vue de votre conscience intelligente. Dans un degré d'initiation particulier, l'humain arrive à tellement intelligencer, à instruire convenablement son ego, son âme, que la partie double antihomme, chez lui, ne peut plus vivre. Et elle finit par tellement haïr, elle va lutter contre, elle va obliger l'individu à être stressé, même à être malade. Elle va le rendre fou. Si l'individu ne lâche pas, s'il a la capacité de laisser descendre l'énergie nazarienne, donc énergie christique, l'énergie supramentale, c'est la même chose, l'intelligence instantanée, l'esprit saint, bon, c'est la même affaire, à l'intérieur du corps, lentement, le double antihomme finit par tellement se sentir mal qu'il est expulsé. Étant expulsé, nécessairement, il rencontre le vrai. Alors, le Nazaréen n'a pas tellement souffert de rencontrer Satan. Satan a souffert beaucoup plus de le rencontrer dans ce qui est arrivé dans le désert. C'est d'ailleurs pas tout à fait dans le désert que c'est arrivé, mais enfin, on compte ce qu'on compte. Le Nazaréen est parti seul dans le désert, puis ils sont quatre à compter ce qu'il a fait. Bon. En tout cas. Le Nazaréen a dit, « Frappez et on vous ouvrira. » C'est intéressant ici. Frapper qui? Faut-il frapper pas? Enfin, frapper fort ou si une prière mentale est suffisante? Le gros problème de l'humain, c'est qu'il frappe puis il s'en va parce qu'il est trop impatient. Puis quand on ouvre, ben, il n'est plus là. Prière mentale ouvre des contextes mentaux. Frapper et on vous ouvrira. Ça veut simplement dire que quand l'être humain fait une démarche, nécessairement, il y aura le résultat. Le gros problème, c'est que l'humain est à peu près jamais là quand le résultat arrive. Bon, il y en a qui m'ont écrit des livres, on va voir ça vers la fin. Dieu et Satan, c'est la même chose. C'est pour ça que Krishna a parlé du Dieu unique. Une fois extra-créationnalisé, la polarité n'existera plus. Qu'y a-t-il au-delà du Dieu créationnel? Dieu et Satan, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose, c'est exactement comme, si de, comme de dire que les pieds et la tête, c'est la même chose. Ça fait partie du même corps, c'est pas la même chose. Le Dieu unique, c'est d'accord, mais il, quand même, il peut être divisé du point de vue de, sa, de son odeur. Hein? Une fois extra-créationnalisé, la polarité n'existera plus. Bien avant ça, d'ailleurs, elle n'existera plus. Y a-t-il au-delà, qu'y a-t-il au-delà du Dieu créationnel? Bon, ce sont des choses que je réponds de temps en temps, enfin, que je m'approche de répondre de temps en temps en conférence spéciale, conférence que je donne une fois par mois à ceux qui ont fait le séminaire. Alors, ça serait extrêmement, extrêmement, extrêmement long et complexe de répondre en 30 secondes ce soir. Je suis psychologue. Bon, tout le monde n'est pas parfait. Bon. Hier à CGMS, je vous ai entendu parler à une femme et vous avez décodé son problème à une vitesse surprenante et avec une précision remarquable. Où avez-vous étudié? Très bonne conférence. Bon, ben j'ai étudié c'est dans une école qui est très, très loin. Nous sommes les pions téléguidés d'un jeu d'échecs cosmique qui se joue au-dessus de nous. Est-ce possible que je me téléguide moi-même à partir de mon corps? Souvent, je sens mon esprit loin et que je téléguide un corps sur Terre. Quand on se sent déphasé de son corps physique, c'est bien souvent sa conscience astrale qui est déphasée de notre corps, ce qui donne l'impression d'être ailleurs et de contrôler le corps. Si on veut poser la question, la problématique de l'évolution, c'est que tout est possible. Alors, est-ce que c'est moi qui me contrôle moi? C'est en plein ça. Mais le moi qui contrôle moi n'a pas la même saveur. C'est comme Dieu, Satan, c'est peut-être la même chose, mais c'est pas pareil. Alors, lorsque la personne pose ici, est-ce possible que je me téléguide moi-même à partir de mon corps? Oui, mais ce n'est pas l'ego qui téléguide. L'intelligence, bon, à un moment donné, de toute façon, on va revenir sur ces phénomènes. Lorsque l'intelligence a été terrestrifiée, lorsque l'intelligence a été planétarisée, lorsqu'elle a évolué, elle a été scindée en différentes, températures de vibration. C'est comme la vapeur d'eau, l'eau, la glace, etc. C'est la même chose, mais c'est pas pareil. Recevoir un verre d'eau en plein visage fait moins mal que recevoir un bloc de glace. C'est de l'eau, toute la gang. C'est pas pareil. Est-ce que je vous explique? Alors, lorsque cela se fait, il y a toujours un contexte esprétique, donc d'intelligence, même d'intentionnalité plus haut, qui engendre des phénomènes qui sont plus bas. Et présentement, nous sommes, l'être humain, la partie la plus densifiée, si on regarde le corps physique. Et maintenant, nous accumulons de l'énergie pour remonter. C'est pourquoi on est des êtres volitifs, des êtres ascendants. Et lorsque l'on accumule de l'énergie, on peut finalement dire que nous sommes Dieu, mais que Dieu nous guide, mais que nous mangeons de la marde, mais que lui, ça ne le dérange pas, puis que c'est pareil. Alors, c'est là la problématique, c'est que c'est vrai, mais il y a une chose. C'est que si je me contrôle d'un plan de l'intelligence, dans ce qui est contrôlé, le peu de conscience qui est dans le corps qui est contrôlé, ne vit pas la vie qu'il devrait vivre. Alors, si en haut il me contrôle, probablement qu'il n'a aucune idée de ce que moi je vis en bas. Et c'est exactement ce qui arrive. C'est pourquoi l'être humain est la solution à Dieu, et c'est pourquoi Dieu est nécessairement une solution à l'être humain. Je parle du Dieu créationnel, pas des dieux dans le monde de la mort. Et nécessairement, on doit instruire. C'est ce que normalement l'humain doit faire avec la prière, c'est ce que normalement l'humain ne fait pas avec la prière. Avec la prière, l'humain, plus souvent qu'autrement, nourrit le monde de la mort. Même chose que lorsqu'il est manipulé, c'est pourquoi il n'a pas beaucoup de réponses. Pas besoin de réponses, il donne de l'énergie, puis on est bien content. Lorsque on continue à avancer, bien lentement, ces conditions, disons, d'intelligence donnent de l'information à l'homme. L'homme la prend, l'homme la codifie, l'homme la transforme, la digère. Et lentement, l'homme doit aussi répondre pour instruire en haut comment on peut supporter l'instruction d'en haut vers le bas. Alors finalement, l'homme doit travailler, de frapper, oui. Mais quand on ouvre, il ne faut pas qu'on ouvre non plus les vannes d'être un gros barrage en même temps. Peut-on arriver à contrôler la manipulation en étant concentré sur ce que l'on doit faire? Non. Et en s'auto-suggestionnant de façon positive, non plus. Le positivisme, c'est une pathologie qui est égale au négativisme. Celui qui est négatif voit le monde négativement. Celui qui est positif voit le monde positivement. Celui qui est correct voit le monde tel qu'il est. C'est ni négatif ni positif, c'est comme c'est. S'auto-suggestionner est mieux positivement, c'est mieux que de le faire négativement. Et arriver à simplement accepter les choses comme elles sont et en comprendre le déroulement logique va nous permettre d'arriver à être efficace. Peut-on arriver à contrôler la manipulation en étant concentré sur ce que l'on doit faire? Être concentré, je ne veux pas insulter personne, mais c'est être centré sur le con. C'est ça, être concentré. Il y a deux choses que l'humain doit comprendre. Être attentif, c'est être concentré sur tout. Être concentré, c'est être attentif sur une chose. Alors, je suis concentré sur mon journal, et puis là, mes enfants rentrent, ils me disent bonjour. Moi, je fais « ouin, ouin ». Je suis même pas au courant de ce qui se passe autour de moi. J'ai ma conscience, elle est journalistique. Hein? Je suis concentré sur mon journal. De temps en temps, je rentrais dans la maison lorsque mes enfants étaient jeunes, et puis ils écoutaient la télévision, ils étaient concentrés. Alors, j'aurais pu voler n'importe quoi, puis il n'y aurait rien fait, ils écoutaient la télévision. Sauf si j'aurais pris la télévision, là, j'imagine qu'ils se seraient rendus compte. Être attentif, c'est premièrement programmer son cerveau, pas sa pensée. Et on programme son cerveau, comme quand on vous oblige à faire des mathématiques pour devenir médecin. Et bien, c'est parce qu'on travaille le cerveau et lentement on reprogramme le cerveau. On lui inculque une mécanicité neuronique qui prend un certain temps selon la faculté qu'auront les axones de créer des périphériques au niveau du cerveau. Et lentement, l'individu arrive à avoir un cerveau qui peut marcher mathématiquement. Ça permet au médecin de mieux comprendre le problème d'un patient, de voir la globalité de sa pathologie, si le médecin n'est pas trop mal instruit par ses patients après. Parce qu'il y a des patients pilules, ça engendre des médecins pilules, ça dépend. Et lorsque on reprogramme donc son système neuronique, on parvient à ce genre de choses. Pour oublier le passé, s'en débarrasser en sortant nos émotions, tout en faisant comme un genre de thérapie. Thérapie, c'est un mot qui est très intéressant, qui est très à la mode. Vous êtes malade, ça qui est venu vous faire guérir. L'humain n'est pas psychologiquement malade. On a quelques phénomènes pathologiques en ce sens qu'ils sont mésadaptés au niveau de la normalité, au niveau social. Moi, lorsque j'étais jeune, je me suis fait dire par une personne, par un psychologue, que c'était guérissable ce que j'avais. Bon, on pouvait me guérir. Mais je n'étais pas mésadapté socialement, donc j'étais anormal, mais pas mésadapté. Alors, thérapie, il faut faire attention, l'être humain s'améliore. Et cette amélioration est une évolution, ce n'est pas une thérapie. On n'est pas pire, on est ce qu'on est. Parce qu'on se compare à autrui, bien là, on peut encore codifier l'idée qu'on est meilleur, ou on est pire, ou on est ci, on est où cela. Ça ne fonctionne pas. L'être humain doit simplement comprendre ce qu'il est et s'arranger pour exprimer au maximum le peu d'intelligence qu'il conçoit. Alors, il va avoir de la difficulté, il va y avoir des luttes parce qu'il y a le double anti-homme, ce qui permet la manipulation totale, la puissance donc de Satan, des phénomènes manipulateurs. Et la partie de l'homme qui est en train lentement de prendre sa place dans le corps physique à travers l'évolution génétique des humanités qui se sont succédées jusqu'à nos jours. C'est pas nécessaire d'attendre l'an 3000. Alors, pour oublier le passé, il faut s'en débarrasser en sortant nos émotions. Non. Sortir nos émotions, c'est nourrir le monde de la mort et donc, nécessairement, on continue à énergiser dans notre ego, dans notre âme, que nous sommes émotifs. Bref, on n'arrive à rien faire. Plus une personne exprime ses émotions, plus elle aura d'émotions à exprimer. Faire attention, une personne qui n'exprime pas son émotion n'est pas nécessairement une personne qui ne pleure pas, qui ne rit pas puis qui ne bouge pas la face. Elle va l'exprimer dans son système digestif, elle va l'exprimer dans son système cardiaque, elle va être malade, elle exprime ses émotions. Exprimer ses émotions n'est pas la solution. On doit observer l'émotion que l'on vit. Et en l'observant, on est conscient de l'émotion. Et bien souvent, l'émotion, elle s'en va tout seul. Il reste quoi? Il reste quelque chose de mieux que l'émotion. Il reste un sentiment, et c'est le sentiment qui, mémorisé par l'ego, engendre l'émotion. L'émotion, c'est un sentiment mort. Lorsque l'on dit que l'amour est une émotion, c'est parce qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour. La première fois qu'on a vécu l'amour, on n'a jamais vécu d'émotion. Maintenant qu'on a expérimenté l'amour, l'amour d'une fleur, d'un papillon, de sa mère, de son père, de n'importe quoi. La première fois qu'on a expérimenté l'amour, maintenant on sait ce que c'est. Et maintenant on veut revivre ça. Puis là on va être frustré souvent parce que l'amour c'est un sentiment. Il y a tellement de façons de l'exprimer ou de l'apercevoir que finalement on finit par dire telle chose c'est pas de l'amour, telle chose c'en est pas, puis telle chose c'en est. Puis là on se concentre et on passe à côté de tout. Parce que finalement l'amour ça n'aime pas. Pour oublier le passé, tout ce qu'il faut faire, c'est juste vivre dans l'instantané. Quand vous jouez au tennis, vous n'avez pas besoin de faire de thérapie pour oublier le passé. C'est réglé. Quand vous faites l'amour, vous n'avez pas besoin de thérapie pour oublier le passé. C'est réglé. C'est réglable. Tout ce qu'on a à faire, c'est de vivre. Et quand on vit, ben là, on oublie le mort, le passé, les mémoires de ce qu'on a fait. Ces mémoires-là ne voudront pas vous abandonner comme ça. Ils vont constituer le double anti-homme qui fera tout pour que vous répétiez les mêmes expériences. C'est tough. C'est difficile. Quand on commence juste à le comprendre, c'est encore plus frustrant. Mais c'est mieux. On est déjà apte à s'en sortir. Abandonner mes mémoires, il n'y a rien là. Bon. Remettre mon présent en question, c'est pas la même chose. Où trouver la volonté? Remettre son présent en question, c'est remettre sa vision mémorielle du présent en question. Donc, si on abandonne ses mémoires, on n'a pas de problème à remettre son présent en question. Si on n'a pas abandonné ses mémoires, le présent en question devient compliqué. Il faut faire attention, c'est que la mémoire, c'est codifié, c'est dans plusieurs tiroirs, et on peut abandonner le tiroir, bon, le tiroir familial, le tiroir scolaire, le tiroir du quartier où on restait, et puis là, on pense qu'on a fait le ménage. Ce tiroir-là, tu ne jettes pas? Non, ça c'est autre chose. Puis ce tiroir-là, ça peut être celui-là qui carrément vient vous nuire. Parce que remettre son présent en question, quand tu n'as plus de mémoire, le présent, il n'y aurait aucun problème. Si on se dit, oui, mais ce que je veux dire, c'est que mon emploi, c'est con. Ma maison, c'est pas ça que je veux. C'est ça, mais si tu n'aurais pas de mémoire, tu pourrais même pas comparer ta maison à rien. Ni ton emploi, d'ailleurs. Alors, finalement, tu pourrais vivre convenablement. La seule chose qu'il y a, c'est que pour avancer dans la vie, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement regarder. Mon auto a des roues carrées. Alors, je sors dehors et je regarde mes roues carrées, puis j'ai pas besoin de dire, c'est des roues rondes qu'il me faut, maudit! Non, là, c'est parce que je sais que ça existe. Tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver ce con. Pas par comparaison, parce que c'est stupide. L'homme a roulé tellement longtemps avec ses roues carrées que les roues sont usées, sont devenues rondes. Fait que par accident, il a inventé la roue. Mais ça, c'est pas un problème. Il n'avait pas la conscience de voir. Présentement, tout ce qui est amélioratif se fait à partir de frustration ou de compétition. Il faut que l'humanité arrive un jour à être capable d'engendrer du neuf sans compétition et sans frustration. Quand on ne vend plus suffisamment de tels produits, ben on l'améliore parce que là, on est frustré, on n'en vend plus. Si on n'en vend plus parce que l'autre a fait mieux, ben sa compétition, on fait mieux. S'il n'y a pas de compétition, on n'améliore pas. Si on vous vend du pain rassis et qu'il n'y a aucun compétitionneur, vous n'avez pas le choix d'acheter du pain rassis. Faites-leur confiance, ils ne l'amélioreront jamais. Et c'est un problème. L'intelligence qui nous habite, qui nous permettrait de dire, ben, on peut maintenant l'améliorer, cette intelligence-là est toujours poussée de côté par le double anti-homme qui dit, ben non, il mange la même chose, ça nourrit la même mémoire, c'est au bout. Parce que la compétition a une chance, ça nous permet de chialer. D'ailleurs, pourquoi les cartels sont illégaux? Enfin, il y a plusieurs choses dans notre société qui sont illégales, parce que sinon, ça barrerait tout. Est-il possible de maîtriser le déroulement de notre rêve sans s'endormir consciemment au préalable? Oui. Bref, dans le rêve, prendre conscience que c'est un rêve et à partir de ce moment, en prendre les rênes. Absolument, ça se fait. Mais ça demande une affinité particulière du cerveau à pouvoir raisonner le rêve pendant le sommeil parce que le rêve se fait dans une extra-conscientisation astrale. Le corps physique n'est pas au courant. De temps en temps, le monde de la mort, l'âme, disons, vient donner l'information au corps physique, surtout pour venir dynamiser, animer son système parasympathique et sympathique, pour que le corps bouge, pour stimuler la circulation sanguine, et pendant que le corps est en mouvement, l'âme en profite pour donner l'information du rêve au cerveau. Et là, on rêve, et on bouge. Sauf que si une partie du cerveau est capable de prendre conscience de ce qui se passe dans l'information, il pourra la colorer au fur et à mesure que l'âme va donner l'information au cerveau. Et dans la mémoire du corps physique, la mémoire chimique qui se trouve surtout au niveau de l'hippocampe et du cervelet, dans cette mémoire, le rêve sera mémorisé, coloré, transformé, donc contrôlé, par le cerveau, par la conscience de l'homme qui ne dort pas et qui reste dedans. Le rêve lui-même, on ne le contrôle pas. Finalement, ce qu'on contrôle, c'est l'information qui pénètre, mais pour l'humain, c'est la même chose. Alors, ça dépend simplement du système neuronique. Je me suis acheté le livre d'Urantia. Très bon achat. Oui, effectivement, c'est quand on veut coller quelque chose ou quoi qu'il y a, c'est bon. Vos conférences en général sont-elles basées sur ses écrits? Non, je ne l'ai jamais lu. Si votre réponse est non, commentez ZP. Mais voilà, je ne l'ai jamais lu. Imaginez une chose. J'ai déjà fait une conférence sur la cosmogonie d'Urantia. Et j'ai commencé la conférence en disant que je ne l'avais jamais lu. Et là, il y a déjà du monde qui sont levés et sont partis. En disant, c'est ça, il fait la publicité trompeuse, il ne l'a jamais lu pour faire une conférence là-dessus. Le gars qui l'a écrit, il ne l'avait jamais lu non plus. Il pouvait l'écrire. Moi, j'ai fait une conférence, je ne l'ai pas lu, je peux en parler. Et c'est la même chose. Alors, le livre, on n'a pas besoin de lire le livre. Le fardeau de mon passé étant la mort de mon unique enfant, ma mémoire et ma peine me manipulent-elles? Comment m'en sortir? Oui, premièrement, il y a une chose. Les parents se réincarnent de leur vivant dans leurs enfants. C'est la génétique des parents qui va créer le corps physique. La mère, par son système sanguin, elle transporte des hormones. L'hormone est le médiateur qui exprime dans le corps physique l'émotion de l'âme. Donc, par son système hormonal sanguin qui nourrit le fœtus, elle programme l'enfant déjà à vivre les émotions de la mère par une réaction hormonale. Lorsque l'enfant vient au monde, il est astralement, c'est-à-dire amiquement la mère un peu, très peu le père, et il est physiquement la mère et le père. Lorsque l'enfant meurt, bien, la mère ou le père se sent est projeté dans l'enfant et il est déjà réincarné. Et lorsque l'enfant meurt, eh bien, les parents voient l'une des possibilités de survie disparaître. Étant donné que les parents se projettent énormément dans leurs enfants, il va arriver que l'enfant, et ça c'est très important, lorsque l'enfant meurt, il a, quel que soit son âge, il se réincarne immédiatement dans les parents. Alors même si les parents sont réincarnés dans l'enfant, si l'enfant meurt, immédiatement l'enfant se réincarne dans le parent. Chaque fois que l'être humain meurt, il va soit dans le monde de la mort, et s'il a des affinités particulières, des parties de lui se réincarnent immédiatement dans les vivants. On se fait réincarner, donc ça se réincarne chez nous 24 heures sur 24 régulièrement. C'est pourquoi lorsqu'une personne meurt, on la connaît mieux. On voit des choses. On sent des choses. Bien, dépendant si on a une bonne affinité avec, on récupère des mémoires de sa vie, des mémoires de son âme. Lorsque l'enfant revient totalement chez le parent, l'enfant peut continuer à exister. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas, tant qu'il n'est pas digéré par l'ego du parent, il y aura l'enfant et le parent. Et nécessairement, le parent sera continuellement manipulé par la présence de l'enfant, parce que l'enfant, finalement, n'est pas mort. Le corps physique est mort, mais l'enfant n'a pas gagné le monde de la mort, il s'est réincarné, donc l'enfant n'est pas mort. Si la personne décide de parler à cet enfant, donc d'éduquer cet égo chez elle, l'égo de l'enfant qui la possède, eh bien, lentement, il va finir par s'établir une complicité, et finalement, ils vont se fusionner ensemble pour régler le problème. C'est ce qui devrait être fait. La personne qui est manipulée par son enfant, elle dit bien son unique, bon, elle le possède encore, elle doit simplement s'arranger pour faire un dialogue. Pas un dialogue avec les morts, un dialogue avec elle-même et les impressions qu'elle a. Et finalement, ça va se souder ensemble et on va éliminer le problème. Vous êtes formidable. Bon. Je n'avais jamais entendu parler comme ce soir. On m'avait parlé de vous, je croyais que vous étiez un médium. Je ne sais pas ce qu'il veut dire médium. Vous n'êtes même pas en transe quand vous parlez. Merveilleux. Même pas en transpiration. Hein? Que penser de la croisade de la pensée positive? Si je n'ai pas de libre-arbitre, la culpabilité me manipulera-t-elle? Merci. La pensée positive... Qu'est-ce que c'est? Alors, on va voir un motivologue, un positivologue, qui devra nous programmer suffisamment pour qu'on se sente motivé. Appelons pas ça un libre-arbitre. La pensée positive, eh bien, parce que j'ai des désirs, je m'organise pour projeter, trouver que ça va marcher, que ça va marcher, que ça va marcher. Oui, c'est peut-être ma volonté qui dit ça va marcher, mais mon désir qui va marcher, il vient de où, lui? Est-ce que je me suis levé le matin, je dis, tiens, mon frère, je désire de quoi? Tiens, moi, je désire avoir un cheval. T'es, pourquoi pas? Ça va marcher, m'avoir un cheval, ça va marcher, m'avoir un cheval. Le désir, il vient de où, le désir? Le désir, c'est une programmation mémorielle, et bien souvent, cela provient de l'anti-homme qui recherche quelque chose pour renourrir une situation. Se sécuriser. L'insécurité, l'avez-vous décidé? Toute l'humanité fonctionne pour rechercher la sécurité. Ce n'est pas une manipulation. La pensée positive... Si vous n'avez pas entendu parler, vous ne l'appliquez pas. Il faut l'entendre parler. Une fois qu'on a entendu parler, on l'a mémorisé. Et là, maintenant, on veut l'appliquer. Ce n'est pas du libre-arbitre. C'est encore une fois de l'apprentissage. Ça reste de la manipulation. La pensée positive, c'est bon quand on est négatif. Être réaliste, c'est bon quand on est positif. Pour la simple raison que quand on est négatif, ça ne marchera pas. quand on est positif, ça va marcher, ça va marcher. Disant après, ben, tu es tellement écœuré de dire que ça va marcher, puis tu vois que ça ne marche pas, que tu risques de déprimer encore plus. La pensée positive, elle a eu une explosion massive. V'là 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est presque plus. On va voir un motivologue qui passe quelque part, puis il marche plus fort. Il y a à peu près que les vendeurs qui en ont besoin. Parce que le vendeur ayant une parole fausse, comme tous les humains sur la planète, chaque fois qu'il parle, il se démoralise. Alors, se démoralisant l'année longue, il a besoin de restimulation, de la motivation. Mais pour le public, ça marche de moins en moins. Je connais des gens qui n'évoluent pas parce qu'ils ne se passent pas, parce qu'ils ne se posent pas de questions. Devrais-je les envier? Non, je pense qu'on a assez de problèmes comme ça, sans en plus envier ceux qui ne se posent pas de questions. Lorsque l'on a pris conscience du chemin que l'on a à faire, à quelle forme ou énergie pouvons-nous demander de l'aide et nous devons nous aider par nos propres forces? Bon, c'est une bonne question qui peut être difficile à comprendre en tant que réponse. À quelle force devons-nous demander de l'aide? On ne doit pas demander d'aide. On doit aller chercher de l'aide. Et c'est très différent. Lorsque l'être humain est pris, bien souvent, il quémande. Le Dieu égrégorien dans le monde de la mort, dans lequel a été placée son énergie depuis des milliers d'années, oblige l'humain à se mettre à genoux, à s'écraser. Et après ça, l'humain commence avec le rituel, au niveau catholique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Lorsqu'il dit ainsi soit-il, il termine la prière, alors qu'il ne l'a même pas commencé. Alors, il place l'énergie dans le monde de la mort. Bien souvent, il va dire tout ce qu'il a à dire, et il oublie des clés. Il ouvre le canal du monde de la mort, le ciel, et il met son énergie dedans. Et à peu près ça, il ferme. Et le résultat, ben, il n'a pas demandé de résultat. Personne va dire, oui, dans ma prière, j'ai demandé à être guéri de mon cancer. Oui. Mais est-ce que tu as pris de l'énergie, contrôlé l'énergie, ordonné l'énergie, dirigé l'énergie et reçu l'énergie? Lorsque le Nazaréen a montré à l'humain prier, il lui a dit, vous ne priez pas convenablement. Pensez avec notre Père qui est dans les cieux, pas dans le ciel. Le ciel, c'est le monde de la mort. Et lorsqu'il termine sa prière, il finit avec Amen, qui veut dire qu'il en soit ainsi. C'est un ordre. Mais l'humain dit, ainsi soit-il. C'est la même chose, c'est un ordre. Ainsi soit-il. Moi, j'espère que ça va être comme ça. Mais l'humain ne le dit pas en ordre, l'humain le dit en soumission. Ainsi soit-il. Il le répète, mais il ne le prononce pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, il y a énormément de façons de prier. On a mis de l'énergie dans ce ciel, des trésors, et puis à un moment donné, l'humain devra aller chercher ce qu'il a placé. On ne vous a pas donné de carte de guichet automatique, vous ne pouvez pas retirer de l'énergie. Mais maintenant qu'on sait que vous ne perdrez pas votre carte, eh bien, il y a des possibilités que les clés qui ont été cachées, qui ont été perdues, puissent recommencer à revenir sur la planète. Lorsque je décode quelque chose, comment savoir si c'est une réalité ou une illusion? On doit toujours se foutre de savoir si c'est une réalité ou une illusion. Lorsque j'ai le goût d'aller manger un cornet chez Dairy Queen, je me présente à la porte. Et puis, rendu là, je me pose pas la question, bon, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est l'illusion, est-ce que je suis manipulé, est-ce que je suis pas manipulé, est-ce que... Là, je suis manipulé de A à Z si je vis comme ça. Je prends mon cornet et je bouffe mon cornet. Si j'avais décidé de maigrir, je sais que j'ai pas le droit de prendre le cornet. Mais sinon, on va te voir un film à soir. Ah ben là, tu manipules d'un coup que c'est ici, d'un coup que c'est là. Alors, ouais. Moi, je vais voir le film, puis je vais voir le film. Mais si j'arrive, puis qu'il y a 200 personnes dehors qui font le tour trois fois du bloc, puis là, ben là, je décide est-ce que je vais à ce film-là ou un autre, ou si je vais me coucher, ou si je m'en vais chez Dairy Queen. J'ai le choix. Mais si je me mets à chialer, si je suis frustré, c'est là qu'on est manipulé. On n'a pas besoin de se poser la question. Est-ce que vous vivez émotivement, à l'intérieur de vous, le genre de vie que vous voulez vivre? Ouais, c'est pas de ma faute, c'est à cause que... C'est à cause que ça, c'est ton maître. Deviens ton maître. Et c'est simple. Alors, quand on pose la question, bon, est-ce que c'est une manipulation, ceci ou pas? Comment savoir si c'est la réalité ou une illusion? La table ici, est-ce qu'elle est solide ou pas solide? Les savants disent que c'est bourré d'électrons, puis l'électron, c'est bourré de trous à travers. Bien, quand je me pète la tête dessus, il y a peut-être plein de trous à travers, mais il faut croire que mes trous à moi sont mal placés et que ces trous à lui, là, ça passe pas. Ça. Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est une réalité? Ma prune, c'est une illusion? C'est une réalité? Chouffres-tu? Chouffres-tu pas? Ça, c'est pas grave. La prune n'est pas mon maître. Si je chiale, c'est pas ça que je veux vivre. Ouais, mais je vais pas avoir la prune non plus. Non, c'est un karma immédiat. Présentement, l'illusion que t'appelles mur engendre une illusion que t'appelles prune. Fait pour l'instant, pas par l'illusion qu'on appelle porte. C'est simple. Qu'est-ce qui manipule les forces sataniques? L'homme. Qu'est-ce qui manipule les vendeurs de drogue? Les acheteurs. Qu'est-ce qui manipule les, ceux qui font des films d'horreur? Le public qui va les voir. Allez plus les voir, ils n'en font plus. Les programmes de violence à télévision, regardez-les plus. Quand ils font des BBM, des sondages, même si vous les regardez, dites que vous ne les regardez pas. À un moment donné, ben, ils vont voir que la cote d'écoute n'est pas bonne, puis ils vont les changer. « Ah, mais ils font nous mettre de la violence! » Non, non, vous faites un qui regardez ce qu'ils vous mettent. Qu'est-ce qui manipule, qu'est-ce qui fait qu'un médecin peut devenir moins bon? Ben, ses clients. Le médecin dit « Non, non, là, madame, là, non, monsieur, là, vous allez changer de régime. Vous allez commencer par cesser de fumer. Cesser de fumer. Et puis, après ça, vous allez faire ceci, vous allez faire cela, vous allez faire cela, vous allez faire cela, vous allez faire cela. » Là, le gars ou la fille a dit « Non, non, moi, je veux un qu'on renouvelle ma prescription. » Ben, si le médecin, il ne devient pas assujetti, ben, le patient va voir un autre médecin, un bon médecin, c'est un médecin qui n'y est pas, qui te donne tout de suite, qui fait clic-clic, qui te donne ta prescription. Puis, en fait, ce médecin-là, il ne vit plus. Alors, il devient médecin pilule, puis il commence à fonctionner comme tout le monde. Après ça, on chiale contre la médecine, mais il faudrait aussi chialer contre nous autres. Hein? On n'entretient jamais notre santé, puis quand on va voir le médecin, on dit « J'ai mal quelque part, dis-moi ce que c'est, puis guéris-moi. » T'as étudié pour. Tu as passé la vie dans ton corps, tu ne sais même pas. Fait que moi, de mes études, laisse-moi le temps. J'ai fait 2 ans de pastoral et 1 an de théologie. J'ai tout lâché et je viens au centre régulièrement. Est-ce que c'est de manipulation égrégorienne? C'est très facile de savoir si on est manipulé quand on vient ici. Comme quand on va n'importe où. Un vendredi, vous ne venez pas. En souffrez-vous, vous êtes manipulé. Un vendredi, vous ne venez pas. Ça ne vous dérange pas? Bien, vous êtes libre. Vous pouvez continuer à venir, ne pas venir. C'est comme au cinéma. Sauf que peut-être c'est plus, disons, utile. Mais c'est tout ce qu'on a à faire. Puis si on souffre, bien, il faut qu'on s'organise pour plus souffrir. Soit qu'on ne vient plus pendant un bout de temps, soit qu'on ne vient plus jamais, soit qu'on s'organise pour travailler. Quel que soit l'endroit, quelle que soit la chose que l'on fait, ne pas y aller, ça nous fait souffrir. Je suis mon seul maître. Sauf le cave, j'y vais pas. Mais lentement, le cave, il ne souffrira plus. Vous allez être libre. Comment faire pour parler en public sans aucune gêne, aucun stress, etc.? Est-ce une habitude qui se développe? Toutes les artistes, toutes les vedettes ont toujours le trac avant de monter en scène. Il paraît que ça les calme, ça les empêche de faire des folies. Ce n'est pas nécessaire d'être gêné. Tout ce qu'il y a, c'est que quand on a trop d'orgueil, on est gêné puis on a le trac. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on a fait la dernière fois ou on a peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'on veut faire, ou etc. Alors moi, je prépare même pas mes conférences. Des fois, je ne sais même pas c'est quoi le titre. La semaine dernière, d'ailleurs, ça fut très amusant. La semaine dernière, Coalition mentale et religion, je n'avais aucune idée de ce que les gens qui avaient trouvé le titre voulaient que je parle. On en a parlé pareil pendant 1 heure. Alors, tout ce qu'on a à faire, l'habitude, ça engendre une sécurité qui fait quand même transpirer. Je connais énormément de conférenciers qui doivent préparer leurs conférences parce qu'ils ne se fient pas sur leur propre capacité. Quand tu connais un sujet, tu ne prépares rien, tu connais ton sujet. C'est comme parler de l'humain. On me demandait dernièrement, est-ce que vous avez des diplômes? Diplômé pour être humain, franchement, tu as un canet dans un corps physique qui fait passer 30 ans dedans, tu vas voir, t'es diplômé en masse. Si quelqu'un met ta vie en danger avec une arme à feu, est-ce que tu hésiterais à le tuer? Absolument pas. Et ça ne m'empêcherait même pas de l'aimer. Voyez-vous, moi, je suis capable de tuer quelqu'un sans l'aimant. Que la majorité des humains ne peuvent pas faire, ils doivent les haïr pour les tuer. Alors, quand quelqu'un vient pour te menacer, ben, il faut que tu te dépêches en motadis pour l'haïr. Savez-vous ce que c'est que l'écologie? Textuellement, étude de la maison, étude du milieu. L'écologie, c'est l'étude de l'ensemble des mécanismes qui permettent une gestion non libertaire au niveau du libre-arbitre d'arriver à quelque chose. Je suis en vie. Ma première fonction instinctive et biologique, préserver ma vie. Deuxième fonction, transmettre la vie. Troisième fonction, muter mon corps physique, ce que l'humanité fait en sécrétant les hormones émotivement depuis des milliers d'années. Quatrième fonction, recevoir l'intelligence pour que maintenant je mute énergétiquement et non plus hormonalement. Alors donc, ma première fonction, préserver ma vie. Lorsque quelqu'un m'attaque, eh bien, je lui parle, je lui fais peur. Une fois au Guatemala, je me suis ramassé devant un guerrier, et qui était absolument convaincu que je faisais partie de l'armée. Je travaillais avec un padre, un missionnaire, et l'armée pensait qu'on était des guerriers roses déguisés, puis des guerriers roses, des soldats déguisés, puis finalement, on se faisait tirer de tous les côtés. Et puis, à un moment donné, ben, il vient se pointer devant moi, et puis c'était évident qu'il voulait que le padre, ça pouvait aller, il avait son col blanc, on le connaissait, moi, on ne me connaissait pas encore. Alors, je lui ai fait croire que j'étais Dieu. Il n'était pas assez croyant, ça n'a pas marché. Alors, je lui ai fait croire que j'étais Satan. Ça, veux pas, ça marche. Ah, il m'a pas tué. Il m'a même plus jamais regardé. Si ça n'aurait pas fonctionné, ben nécessairement, je me suis organisé pour qu'il ne puisse pas me tuer. Et s'il est tout à fait possédé, s'il veut absolument, absolument, absolument tuer, bien, on le tue. C'est pas de sa faute. Et puis, on ne l'haït pas. Et puis après ça, ben, on fait tout ce qu'il faut faire pour qu'il s'en aille dans le ciel convenablement, puis on continue sa vie. C'est simple. L'humain a besoin de haïr pour faire quelque chose. Imaginez-vous que l'humain doit haïr les maringouins pour les tuer. La preuve, honesty! Il ne peut pas dire, désolé, il va piquer quelqu'un qui ne tape pas. Non. Il doit l'haïr. Et là, il peut le tuer. Comment réagir devant ces forces manipulatrices quand elles arrivent en masse? Je parle vraiment de certaines forces démoniaques. Il y a une autre question dans le paquet ici d'une personne qui est manipulée par un envoûtement. Comment on réagit des forces démoniaques qui arrivent? Premièrement, bon, c'est complexe. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des choses, ils ne savent pas ce que c'est, des personnes qui sont relativement possédées, des schizophrènes, des paranoïaques. À l'époque, on les exorcisait. Sauf que quand on exorcise, on prend une personne qui est possédée par une entité particulière, et puis on se connecte à un égrégore théologique, et on possède l'individu par l'égrégore théologique, ce qui vient normalement, parce que l'égrégore est plus puissant, rejeter la possession. Alors avant, vous étiez possédé par une force, disons, schizophrénique, et maintenant, vous êtes possédé par Dieu. Et maintenant, quand vous exorcisez, ben, vous êtes pogné, vous allez à l'église tout le temps, vous priez, vous allumez des cierges, vous êtes possédé pareil, mais par une entité, disons, plus évoluée. Mais vous ne restez pas libre. Lorsque on fait affaire avec des forces, disons, démoniaques, des forces noires, des forces qui envoûtent, comme il y a justement une personne ici, je ne sais pas où c'est. Que dois-je faire pour me libérer des influences néfastes d'une personne qui me manipule par la projection de chaleur sur mon corps et qui me contrôle dans tous mes déplacements en attisant cette chaleur sur mon corps, sur mon être, à n'importe quel endroit où je me trouve et qui, en tout cas, bref, projette des projections qui... des mauvaises odeurs dans mon logement et ailleurs. Voilà. C'est la même chose. Cette personne-là, ici, elle vient d'un envoûtement. Il y a énormément de phénomènes aujourd'hui qu'on ne croit plus, pour la simple raison qu'on a un intellect suffisamment avancé pour être capable d'ajuster psychologiquement ce que nous percevons. Il y a des personnes qui voient toujours leurs appareils électroniques se briser chez elles. Et ils travaillent avec un ordinateur, l'ordinateur est toujours en train de planter. Bon, alors là, on va essayer ceci, on essaye cela, on achète ceci, on change l'ordinateur, ça plante toujours. Il y a des personnes qui manquent toujours leurs photos. Les photos sont toujours bizarres, floues. Il y a des personnes qui sont mal photographiables. Ici, à un moment donné, c'est un studio pour produire des émissions, et puis on me filmait, on produisait des émissions pour Québec et Chicoutimi. Et puis après tout bout de champ, ben, la caméra qui me prenait plantait. Alors, la personne qui s'occupait de ça, elle la faisait réparer, ils ont fait des filages, ils ont tout vérifié, puis finalement, le gars, il a dit, tout ce que je peux voir, c'est le gars que tu filmes, ben, il fait pas. Alors, l'autre, il croyait pas trop, et puis on a continué, puis finalement, ben, quand je m'en allais après, les caméras, trois caméras, servaient à faire des commerciaux. Puis la caméra qui marchait pas avec moi, ben là, elle se remettait à marcher, les couleurs étaient correctes. L'individu qui a un ajusteur psychologique, un intellect trop puissant, il passe son temps à essayer de trouver des raisons logiques qui le font passer à côté de la traque. Imaginez que vous êtes vivant. si vous, vous pouvez être là, tout le reste peut aussi être là. Hein? C'est encore bien plus dur de faire à l'être humain que juste faire à l'humanité. Qu'est-ce qu'on doit faire devant l'apparition de forces démoniaques? Je ne peux pas répondre comme ça. On doit avoir une voix mentale. On doit être capable d'avoir un cerveau qui contrôle totalement son système émotif et son système endocrinien. Moi, si une force démoniaque apparaît devant moi, mon cœur ne doit pas accélérer. Mon ego, mon anti-homme ne doit pas vibrer à ce qui apparaît là, parce que si mon cœur accélère, je vais m'instruire que j'ai peur. M'instruisant que j'ai peur, je risque d'engendrer la peur. Et j'aurai peur. J'ai une voix mentale. Parce que dans une voix émotive, je peux... Qu'est-ce que tu fais là? Avec une voix mentale, je ne peux pas avoir des fluctuations émotives. Ça ne s'exprimera pas en même temps. Alors, si j'ai une voix mentale, si je suis capable de développer une autorité mentale, n'importe quelle force démoniaque va se retourner vers la source, parce que je vais lui donner l'ordre. L'individu qui devient suffisamment sensible peut même avoir la faculté de vibrer tellement à la chose qu'elle pourra la transmettre dans un nom. Le nom, c'est la clé. Et avec le nom, bien, tu nommes le nom de la chose. Et puis là, elle fera tout ce qu'on va lui ordonner. La personne qui a un envoûtement chez elle, nécessairement, elle devra essayer de trouver la source de l'envoûtement. Deuxièmement, elle devra s'arranger pour employer des mécanicités qui sont en liaison avec la source de l'envoûtement. Il y a une personne qui lui a jeté un sort et qui continue à l'entretenir. On trouve ça encore un peu bizarre. Ça marche. Pas une raison pour l'employer. C'est la magie noire, la magie blanche et autre chose. Et la personne doit donc commencer à lutter avec... C'est contre cette énergie-là à partir de principes qui ressemblent à ce qui l'envoûte. Nécessairement, l'individu ne connaît pas tout à fait ce domaine et elle aura de la difficulté à lutter contre. Une chose que l'on peut faire, premièrement, c'est faire brûler de l'encens. Ça augmente la vibration de l'air que l'on respire. Ça augmente donc notre vibration à nous. Augmentant notre vibration à nous, on est moins sujet de sable à ceux-là. Une autre chose, c'est que la personne... Bon, la réponse pourrait être très longue. C'est dommage, mais de toute façon, à un moment donné, la personne, si elle veut qu'on puisse jaser, mais souvent, je dis, quand la personne fait mon séminaire, je peux parler avec. Dans le cas de l'envoûtement, ici, le séminaire n'est pas une solution. Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas parler 2 ou 3 ou 5 ou 10 minutes avec une personne pour lui dire tout ce qu'elle doit faire. Je peux lui dire tout ce qu'elle doit faire. Elle ne comprendra pas ce qu'elle doit faire. Alors, bien souvent, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est aller rencontrer une personne qui fait des consultations, soit un kabbaliste, soit un numérologue. Il y en a quelques-uns au Québec, je nomme pas les noms, mais il y a du monde qui sont brillants pour cela. De juste aller vérifier, pas avec un individu, avec 2 ou 3 individus, comme on devrait faire avec les médecins ou avec n'importe qui, ou avec les conférenciers, pour avoir une idée de ce qui peut se passer. Tout se règle. Je ne fais pas de consultation, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un gourou, et je ne veux pas non plus être assujetti à passer le reste de ma vie à rencontrer des individus pour faire leur chemin à leur place. Je fais des conférences, c'est déjà suffisant. Ça frustre, ça stimule, puis ça instruit. Bon. Alors, la personne, ce qu'elle peut faire, c'est ça. C'est rencontrer, fouiller. Il y a des librairies ésotériques qui sont convenables, qui peuvent bien diriger vers ces choses-là, qui peuvent donner des informations. Depuis plus de 2 semaines, pour développer l'automatisme du souvenir du rêve, j'écris le contenu de ceci dans un carnet. Je me suis aperçu qu'en très peu de temps, ce système me permet maintenant de me souvenir de presque tous mes rêves. Pourquoi des rêves faits à la mémoire dans tel réveil s'évaporent-ils dès que quelques heures se sont passées? Premièrement, c'est que lorsque l'on se réveille, on prend le corps astral qui est encore en train de donner des informations et on le place chez soi. La majorité des êtres humains, lorsqu'ils se réveillent, leur corps astral est déphasé. Plus il est déphasé, plus le réveil est pénible et difficile. On voit mal, on comprend pas, on se promène, puis là, on n'a pas le goût de rien. Il manque ce qui anime le corps, l'animateur, et là, ben, on s'en va un peu tout croche, puis bon. L'individu prend quelques heures, quelques minutes à quelques heures avant de centrer son corps astral. Et nécessairement, lorsqu'il est centré, le rêve, oubliez-le, il n'est plus là, le corps astral prend toute la place mémorielle, c'est que le rêve décolle. Pourquoi les rêves nous paraissent-ils si sensés en termes de contenu lors du rêve, alors que quand je les retranscris sur papier, le scénario est tout à fait invraisemblable? Pourtant, je le vivais avec tant de véracité. Parce que tant qu'on est dans le monde de la mort au niveau du rêve, tant qu'on ne contrôle pas le rêve, c'est juste une question d'émotion. Étant donné que tout se peut, eh bien, dans le rêve, tout est là. Quand on arrive ici, on se dit, bien, voyons, non, ça n'a pas de sens. L'intellect commence à ajuster le rêve par rapport à ce que nous vivons dans cette mémoire où la matière nous empêche de traverser la tête à travers, sans briser l'un ou l'autre. Eh bien, là, on ajuste cela et on trouve cela invraisemblable. Si vous voyez un jour un animal voler, dans votre rêve, vous allez dire, c'est invraisemblable, ça n'a pas de sens. Là, vous revenez sur la planète Terre, puis vous voyez un oiseau passer, puis là, vous vous dites, ah, ben merde, ça se peut. Alors, l'invraisemblance fait simplement référence au fait que dans le rêve, dans le monde de la mort, la limitation corporelle n'est pas là. Il y a la forme, mais il n'y a pas les atomes pour la soutenir. Alors, on peut faire des choses qu'on ne fait pas dans la matière. Un esprit malfaiteur qui a déjà volé aux autres et qui recommence doit certainement envier, avoir des vibrations basses. Il faut bien écrire pour que je puisse bien lire. Ou un canal qui laisse passer facilement les forces manipulatrices. Oui. Est-ce que l'astral te considère comme un maître ou un terroriste subversif? Ça dépend énormément. Il y a une grande partie du monde de la mort qui me considère comme un terroriste. Un empêcheur de tourner carré. Et il y a une autre grande partie du monde de la mort qui sait exactement qui je suis et qui me considère comme tel. Comment arrêter de manipulation face à un rejet après le départ de l'être aimé? Mémoire de sa voiture, de son visage, etc. Il y a une grande partie de votre ego qui maintenant est constituée des mémoires expérimentées lors du contact de l'être aimé, en guillemets, l'être possédé. Et alors, on le nourrit cette partie-là, puis quand la personne qui nous permet de nourrir s'en va, eh bien là, cette partie-là, elle n'est plus nourrissable. Alors, elle recherche la nourriture, elle voit la photo, puis là, elle s'auto-énergise, mais elle sait qu'elle ne le reverra pas, ce qui engendre une crise, un stress, une souffrance. Alors, comment on peut faire pour passer par-dessus? Normalement, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre qui va pouvoir transposer, venir nourrir. Ça règle le problème. On dit que le temps fait que tu oublies, ça va de soi. Lentement, et n'étant pas nourri, la mémoire meurt et se désagrège. Donc, cette fois, elle se voit digérée par l'ego. En attendant, ce qu'il faut faire, eh bien, il faut observer cela. Profitez-en, vous avez un moyen de devenir votre maître. Alors, on voit la souffrance, on voit ceci, puis observez. Es-tu intelligent? Non. Vous le vivez pareil. Vous êtes intelligent, vous êtes capable de voir que ça ne l'est pas, mais vous le vivez quand même. Alors, pendant qu'on le vit, eh bien, on l'observe. On va apprendre énormément de choses que je n'aurais même pas besoin de dire. C'est plate d'apprendre comme ça. Mais tant qu'à être obligé d'apprendre comme ça, apprenez. Monsieur Kem, j'ai depuis quelque temps la rupture avec le pourquoi. C'est bien et c'est problématique. Et la seule façon que j'ai découvert, c'est l'honnêteté. Est-ce la seule manière de se sortir de cette atmosphère ionisée manipulateur ou en connaissez-vous un autre? Pourquoi que je ne réussis pas à 100%, mais ça fonctionne très bien lorsque je lâche prise et que je m'en remets à ma puissance ou à mon être supérieur? Voyez-vous, c'est très... La question, la deuxième ici, est encore plus intéressante que la première. L'honnêteté, pour revenir à la première, ça n'existe pas. Ça existe exclusivement lorsque l'être humain fait ce qu'il sait, ou disons, si on veut, ce qu'il croit qu'il doit faire. Il est honnête avec lui. Mais là, c'est la partie lucide et consciente qui applique la chose. Il pourra être manipulé, mais s'il veut décider d'être son maître, il nécessairement sera honnête. Il faut vous l'apprendre. La deuxième partie ici, pourquoi que je ne réussis pas à 100%, mais ça fonctionne lorsque je m'en remets. Bref, on pourrait dire théologiquement, lorsque je fais la volonté de mon père. Ben, c'est très simple. Une grande, grande, grande partie de la vie que j'ai menée présentement a été construite simplement en jetant des petites choses un peu par-ci, un peu par-là. Je faisais le strict minimum. Puis quand ça marchait, c'est parce que c'est ça que j'avais à faire. Et ça a toujours bien marché. Quand on se met à vouloir faire quelque chose, alors là, on jette des petites choses, mais on en jette trop de petites choses. On en met tellement que finalement, on se dit, avec tout ce que j'ai mis là, c'est vieux de marcher. Puis lentement, on s'enligne. Puis c'est pas ça qui doit être fait. Alors, il y a énormément de personnes qui sont médecins qui aimeraient être mécaniciens, et de mécaniciens qui sont mécaniciens qui aimeraient être médecins. Et on a une société où finalement, tout ce qui doit être fait est fait, mais pas nécessairement par ceux qui auraient dû le faire. Lorsqu'on s'en remet, lorsqu'on essaye, bon, je vais aller me trouver un emploi, fait que j'arrive, je fais tout pour que ça marche. Quand je m'en vais, ben je l'oublie. Je n'ai pas de positivisme. D'un coup, je n'ai pas à rentrer là. Puis que mon positivisme me fait rentrer là. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. J'ai un emploi où je dois être bien habillé. Je n'arrive pas là en jean. Je ne fais pas compte. Je fais le maximum du minimum. Puis après ça, ben, et voilà, j'ai fait. Quand ça là a marché, faites-vous-en pas, ça marche. Le chemin, il est très, très facile. Bon, on aime ça, marcher dans le fossé, puis rouler. Puis... ça nous donne l'impression d'un libre-arbitre, puis qu'on a de la, du mérite, puis etc. Mais moi, j'ai aucun mérite. C'est le seul mérite que j'ai. Est-ce que les questions neuves ou anciennes ne servent tout simplement pas à faire sécréter l'homme, donc nourrir les mémoires? Lorsqu'une question apparaît chez l'homme, à part, bon, la question, qu'est-ce que c'est? La question, c'est lorsque l'être humain a accès, pendant un laps de temps très, très, très minime, à de l'instantané, à son esprit, à son intelligence. Il a accès, mais très, très peu, le cerveau n'est pas encore suffisamment préparé à vibrer, à raisonner. L'ego, l'âme, expérimente le passage, mais à une vitesse tellement folle que tout ce qui reste, c'est des bribes du passage de l'intelligence, de la vision. Ces bribes-là, c'est la question. Alors là, l'ego se dit, pourquoi telle chose? La réponse vient de passer. C'est tout. Puis là, ben, tu te poses maintenant la question. Alors, la question, elle est évolutrice, mais en même temps, c'est elle qui fait souffrir l'ego, parce que quand on ne se pose pas de question, ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sauf que le rôle de l'homme, c'est pas de ne pas avoir de problème. De naître, de ne pas le savoir, de vivre, de ne pas le savoir, puis de mourir, de ne pas le savoir. C'est pas ça le rôle de l'homme. Nécessairement, il aura des questions, nécessairement, il aura des réponses, nécessairement, il commencera à monter. Si l'on est conscient de la manipulation, que faire pour l'éliminer, tout au moins en partie? On doit être conscient de la manipulation lorsqu'on est manipulé. Ça ne sert à rien d'être conscient de la manipulation lorsqu'on n'est pas manipulé. C'est simple. Et le problème, c'est que lorsqu'on est manipulé, on n'est pas conscient. Alors, on doit s'arranger pour décider c'est quoi notre vie? C'est quoi la vie qu'on veut vivre? Voulons-nous nous chicaner? Laissez faire autrui. Voulez-vous, vous, vous chicaner? Voulons-nous être malheureux? Voulons-nous être nerveux, être stressé, être... Bon, déterminons ce que l'on veut. Et puis après ça, bien, quand on commence à être nerveux, faut qu'on... quand on a fini, il faut qu'on... immédiatement qu'on fasse un retour sur notre nervosité puis qu'on se dise, tu vois, j'étais nerveux. Moi, on dit que c'est con. C'est stupide d'être nerveux. Ça sert à rien. Je suis intelligent, je le vois. Mais la nervosité est stupide, même si c'est moi qui l'exprime, elle n'est pas intelligente parce qu'elle passe par moi. Alors, lentement, l'individu va se rapprocher de la conscientisation de sa nervosité proche du moment où il le vit. Finalement, il sera nerveux et dans sa nervosité, il dira « Tiens encore ». Et intelligencer un événement veut dire « Maud, t'as dit que c'est con ». Mais pas se culpabiliser, vous n'êtes pas con. Si vous le voyez, vous n'êtes pas con. Si vous ne le voyez pas, vous ne vous posez même pas la question. Est-ce que le sens de l'humour a une influence positive ou négative sur l'évolution? Il faut s'entendre. Il y a le sens de l'humour, puis il y a le sens de la fuite. Celui qui est toujours en train de rire parce qu'il veut tout fuir, et celui qui aime vivre, aime apprendre et qui a un sens de l'humour parce qu'il transforme sa connaissance en résonance qui est supportée par de l'humour. Moi, j'ai un sens de l'humour, et ce n'est pas une fuite. Ça permet simplement de m'amuser à travers ce que je découvre. C'est drôlement plus fun que de broyer ou d'être frustré. Tous les grands personnages... Vous savez, le Nazaréen, quand on le décrit comme étant un être hyper plate, avec des yeux qui regardent, on ne sait pas trop où. Puis quand il vous parle, toujours la même voix. Le Nazaréen s'est amusé comme un fou. Et une personne qui évolue, qui monte, qui avance et qui s'amuse, on pense toujours que c'est un fou. Parce qu'on a le stéréotype du maître. Doit être habillé d'une certaine manière, marcher d'une certaine façon, avoir l'air bête, répondre qu'une voix monocorde, parler lentement. Pourquoi il doit parler lentement et faire ouais, ça? Parce que ça, c'est le maître qui réfléchit, qui sert de sa mémoire. Lorsqu'on tombe sur quelqu'un qui a un savoir instantané, il ne réfléchit pas nécessairement. La parole, elle va à la vitesse que l'énergie descend et ça va vite. Il peut s'amuser en masse. Il peut même jouer au badminton. Il peut même perdre. Il n'est pas maître pour lui. Comment retrouver au savoir où est son chat qu'on ne revoit pas depuis quelques jours? Si c'est lire, on passe une annonce dans le journal. Puis-je utiliser une méthode quelconque? Télépathie, visionnement ou autre? Qu'il soit vivant ou mort? Comment? La question fondamentale est de se demander si on peut intervenir honnêtement dans la vie de quelque chose d'autre, dans la vie d'un autre être vivant. Soyons très spiritualistes et disons que le chat présentement est rentré dans une famille où un petit enfant est malade, atteint de leucémie, et le chat lui tient compagnie. Alors nous, on va se projeter, on va visionner, on va tout faire pour que le chat revienne. Mais soyons moins spiritualistes et disons que le chat est pris dehors, puis qu'il y a des autos qui faillissent s'écraser tout bout de champ, puis qu'il gèle le soir, puis bon. Là, est-ce qu'on peut manipuler le chat pour qu'il revienne? Quelle expérience planétaire va-t-il donner? Et en plus, vous avez à apprendre quoi avec votre chat? Si on fait ça avec le chat pour qu'il revienne, il ne faut pas avoir d'enfant. Parce qu'on va les manipuler en maudit pas qu'ils partent. Il ne faut pas avoir d'amour. Parce que si un jour l'amour s'en va, on va avoir des gros problèmes. Si le chat a à revenir, il va revenir. C'est pas un fou, un chat. Quelle est la réponse très plate? La réponse. Quel est le rôle intelligent de l'imagination et de la visualisation? L'imagination est un voyage astral fait consciemment qui permet à l'être humain qui n'a pas encore accès à sa conscience intelligente, à son savoir instantané, de pouvoir avoir accès à une banque de données, la mémoire planétaire, les annales akashiques, le ciel, le monde de la mort, de façon à pouvoir amasser de l'information qui va lui permettre d'arriver à créer, à exprimer quelque chose de façon, premièrement, à stimuler son ego pour qu'il ne s'ennuie pas trop et qu'il prenne plaisir à la vie, et deuxièmement, pour qu'il exprime un peu d'intelligence colorée à travers un paquet d'imagination, donc de mémoire du passé, de façon à lentement engendrer un cadre matériel qui va finir par lui permettre d'arriver dans une société comme nous la connaissons aujourd'hui, où la matière est parfaite, elle pourrait rendre l'homme libre, libre, libre, et où on est encore confiné à se battre, à se tirer nos morceaux de matière par la tête. La visualisation, c'est une imagination coordonnée. La visualisation, c'est qu'au lieu de se laisser vaguer, eh bien, on prend un canal, on le paramètre à travers le désir de l'ego, ou encore une perception logique, conséquentielle du plan mental, et là, on prend les mémoires du monde de la mort ou de notre propre expérience amique, et on vient les coordonner de façon à arriver vers un résultat. Le problème, c'est que normalement, l'humain qui fait le visionnement n'a pas été voir trop loin, et ce résultat-là, dans 10 ans, lorsqu'il va être exprimé, est-ce que l'humain le voudra encore? Bien souvent, il ne le sait pas. Mais la visualisation peut être bonne, elle est plus souvent qu'autrement néfaste, et c'est une imagination qui est coordonnée. L'imagination est un voyage qui n'est pas trop coordonné, qui peut l'être un tout petit peu, mais pas trop. Dans la promotion de la conférence à la radio, on disait que Satan avait été menotté depuis 2000 ans et qu'il se libérait peu à peu en ce moment. Peux-tu en parler? Ouais. C'est d'ailleurs parce que Satan a eu une tendance immense à disparaître de la vie depuis le passage nazaréen d'ailleurs. Satan a eu la fosse de son existence, pas de sa vie parce qu'il ne vit pas. Et il a été, disons qu'il a eu une peur suffisamment yavique pour qu'il ait son infernal, pour nous autres, mais yavique dans son corps. Et il s'est enfoncé, il a disparu. C'est pourquoi l'humain l'a oublié, c'est pourquoi même les églises l'ont oublié. La force satanique, c'est une force de manipulation qui a ressurgi à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Un être humain tout à fait anodin a été possédé par un esprit luciférien, c'est-à-dire par l'entité Lucifer presque globale. Lorsque Lucifer possède un être humain, il en fait un génie du mal. Pour que le génie du mal puisse avoir la population à son service, Lucifer n'a pas le pouvoir de manipuler l'humain. Satan, qui est la force collectivisante, a pu être exprimé suffisamment pour que chaque Allemand, ou presque, soit totalement assujetti au Führer. Et nécessairement, pour pouvoir nourrir la force satanique qui a besoin d'être nourrie d'une façon mâle, eh bien, la force du Führer a permis des hécatombes, des massacres, de façon à ce que ça sécrète suffisamment d'hormones et d'émotions sur la planète Terre pour nourrir ce contingent satanique. Libérer, il faut s'entendre. L'humain est de plus en plus... L'humain a mis toute sa confiance, soit dans les dieux, soit dans la matière. Les dieux l'ont déçu, la matière va le détruire. Alors lentement, l'humain, quand il aura oublié sa matière, oublié ses dieux, il sera confiné à n'exprimer que la seule force qui reste, celle qui semble plus pratique, les forces du mal, les forces sataniques. L'égrégore du monde de la mort est un égrégore qu'on peut se servir pour transformer un désert en paradis. L'énergie la plus basse et la plus proche de la matière. L'énergie du monde de la mort la plus basse, c'est l'énergie satanique, luciférienne, c'est l'énergie du mal. Et c'est pourquoi lorsqu'on fait un pacte avec le diable, on a plus de résultats qu'un pacte avec Dieu. Le problème, c'est que l'échange avec Dieu est moins coûteux que l'échange avec le diable. Lorsque l'humain aura fini de s'écœurer de ses yeux, parce qu'il aura prié sans jamais de réponse, parce qu'il ne sait pas comment prier, lorsque l'humain aura vu que la matière peut le démolir, soit en guerre ou soit en problématique, en empoisonnement, en pollution, eh bien l'humain sera confiné à attendre. Et là, lorsque une force qui a la faculté d'être apparemment plus puissante que l'homme parce qu'elle n'a pas de corps physique, elle est l'esclave de l'homme, mais tant que l'homme ne le sait pas, l'homme est l'esclave de la chose, va arriver, eh bien il y aura énormément d'humains qui, au nom de l'écœurement, vont vouloir accomplir des choses. C'est pourquoi ce phénomène est en train de...